J'accuse. J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable. Le 26 avril prochain. En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose. C'était à la une. Journal Le Flambeau, 29 mai 1915. Les chiens sanitaires, par Colette. Nous voici, nous, patrouille perdue, arrêtés, hésitants, dans le bois. Il n'y a pas une minute à perdre. L'un de nous crayonne quelques mots sur une feuille de carnet et la confie à notre agent de liaison. Il s'agit pour lui de rejoindre à tout prix notre gros. L'ennemi est à 50 mètres, sommes repérés, que faire? D'un bond, notre agent de liaison s'enfonce dans le taillis, comme il court. Il porte un carapaçon timbré de la Croix-Rouge. Il est gris de poils, fauve de prunelles, il montre des dents de loup et 6 doigts à ses pattes de derrière. Son nom? Turco, berger de l'abri. C'est pour lui et pour une demi-douzaine de chiens destinés aux armées françaises et britanniques que nous jouons à la guerre dans le parc de Saint-Cloud. Mais les chiens, eux, ne jouent pas. Ils travaillent. Ils ont la foi. Ils délirent de l'envie de servir. La patrouille attend, paresseuse, parmi les violettes et les sauts de Salomon. Une branche de merisier secoue sur nous ses pétales et son odeur de miel. « Turco doit revenir », explique le chef de la patrouille, dresseur émérite de chiens de guerre. « Il apportera une lettre, un colis de victuailles, un guide, un secours quelconque. » Traversons la route, gagnons l'autre bosquet, il aura plus de peine, mais il nous trouvera. Le rossignol qui chante au plein jour se tait soudain à cause d'un patara, patara, patara sur les feuilles sèches. Notre agent de liaison est à nos pieds, fier, haletant, portant au collier cet avis ironique « Débrouillez-vous, cuisez, ennemi à l'étouffer ». Au carrefour, un lieutenant d'infanterie garde à présent Turco au bout d'une courte laisse et baisse orgueilleusement les yeux sur lui. « Ils vont partir ensemble demain, m'explique-t-on. Ils rejoignent, à Arras. » Près de moi, j'entends « Nous n'en aurons jamais assez. En Allemagne, ils en ont des milliers. 22 des nôtres, sur les 180 qui sont dans la banlieue, vont partir cette semaine pour le front, parfaitement instruits. » Parfaitement instruits? Soldats ou chiens? Je ne sais plus de qui l'on parle. Ceux-ci sont dignes de cela. Il n'y a qu'à voir s'éloigner ensemble, déjà amis, ces deux braves qui rejoignent demain, le lieutenant et le chien Turco. Drap bleu-gris et poils gris-bleu, silencieux, agiles, ils sont déjà couleur d'horizon, couleur de l'ombre azurée des haies, couleur de l'argile bleuâtre des tranchées. Un beau couple de chasseurs qu'on citera peut-être ensemble, car l'œuvre a son tableau d'honneur et ses martyrs. Chiens, nos compagnons dans la guerre et dans la paix. Chiens, de qui la confiance humaine exige et reçoit tout. Chiens, c'est pour notre édification que je veux dire le beau destin de Pic, chien sanitaire fameux. Il servit son pays et ses frères soldats et mourut glorieusement, le flanc percé d'une balle allemande. Et quant au petit fox-terrier anonyme, gros comme un lapin, qui, après avoir retrouvé 150 blessés à la bataille de la Marne, s'égara et sut revenir à son maître à travers les lignes ennemies, celui-là a déjà reçu sa récompense. Il est retourné au front, dans les Vosges.